Alors Sandra, t'es dans ta voiture? Comment, je vous reçois pas? Parce que je suis avec l'examinateur qui est à côté de moi, allô? Je m'appelle Sandra. C'est à toi, je crois. C'est à moi, c'est à moi. On va entendre oui, ça, c'est dingue. Oui, c'est moi, c'est moi. Bonjour mademoiselle. Comment vous m'avez appelé? Mademoiselle Sandra. Sandro. Sandro. Sandro. Mais je sais pas, il est marqué Sandra. Mais non, mais ça se dit Sandro. Ça se dit Sandro. C'est parce que c'est pas la même prononciation, c'est Picard du Sud. Bon, j'appellerai bon, alors, pour lui dire. Je m'installe en voiture. Regardez-moi ça, il est broyé votre truc là, il marche pas. Regardez, un truc vert là, ça s'allume, ça s'éteint. C'est quoi ça? Non, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Ça s'appelle un clignotant, mademoiselle. Ah. Attends, pour vous alors. Donc, déjà, on va procéder par ordre. Là, faut que je vous suce tout de suite alors, s'il faut qu'on y aille par ordre. Ah non, pardon, parce que d'abord, moi dans ma région, on dit toujours ça. On dit tiens, commence d'abord par me discutera après. Ah, pardon. Tentative de corruption. Non, de... non, c'est pas grave, fait comme si j'avais rien dit. Donc. Bon. Déjà, avant de partir, on va faire un petit test. Oui. Est-ce que vous connaissez ce panneau qui est juste en face de vous qui le rouge, avec la barre blanche. Voilà. Interdit de faire des crêpes. Non, c'est un panneau de sens interdit. Je veux pas dire qu'il y ait un rapport avec les crêpes. Je peux démarrer? Ouais, c'est mal barré. Je peux démarrer? Démarre. Merci. Alors, je démarre le truc. Hein? Bon, voilà. Ça, j'aime bien ça, bon. Voilà. J'aime bien. Tu t'es installé? Ça, vous, il y a des chevaux. Allez. Là-dedans. Hein. On y va. Ce carton. Attends, je prends du plaisir. Voilà. J'avance hein, comme je veux. Allez-y. Bon, attendez, parce que faut d'abord que je pose ma vitesse. Hein. Mais vous êtes en combien là? Hein? Oh là. Non, débrayez! Quoi? Débrayez! Bah, là, la pédale de gauche. Toi-même, la pédale de droite. Alors. Débrayez! Mais attends, elle passe pas la sacrée! Cinquième à Bospo. On démarre pas en cinquième. Quoi? Pourquoi vous démarrez en cinquième? On démarre en première. Ah non, moi je me suis arrêté en cinquième. Je vais pas aller en première, j'ai pas le diplôme. Moi c'est en cinquième, je me suis arrêté alors. Bon, bon, écoutez, alors. Bon, allez, bon, passez là, ta vitesse, merde! On va pas y arriver. Là c'est bon, là, c'est reparti là. Là c'est bon, là, bon, alors. Bon, ça arrête pas là. Oh, attends, j'en prends mes trucs. Attends. Oh. Là ça va. Bah, voilà. Là, ça va. C'est plus simple. Là, ça va. Alors, vous me dites quand vous voulez que je tourne. Hein. La tournée, doucement. Hein. Doucement. Quoi? Bon, on va faire quelque chose de plus simple. Bon, essayez de vous guérir. On va faire un créneau. C'est ce que c'est qu'un créneau. Ah, ça va. Vous guérir en marche arrière, là. Sans problème, accroche-toi. Doucement. Doucement. Ça va aller. Merci, ça va. Et la personne âgée derrière. Non, doucement, attention la tête. Aïe. Je le connais, de toute façon, c'est une copine à ma grand-mère, elle allait mourir dans 15 jours, elle était très molode. J'ai rendu un service. Hein. Normalement, en théorie, on est avec le pape. C'est pas vrai. Et si, il passe son permis aujourd'hui. Alors, donc on l'a en exclusivité sur l'antenne. Allô, monsieur le pape. Allô. Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul. Oui. Jean-Paul. Oui, monsieur c'est deux moi. Jean-Paul. J'ai, comment monsieur, c'est vous, monsieur deux? Prénom, Jean-Paul. Nom de famille, deux. Ah, votre tête me dit quelque chose. Autre nom de famille, le retour. Et bientôt, je vais m'appeler, il est pas content. Ça fera Jean-Paul deux, il est de retour, il est pas content. C'est noble, bonjour. Bonjour, vous êtes sûr que vous voulez passer le permis à votre âge, c'est pas un peu tard? Non, j'ai pas de problème, j'ai envie, ras-le-bol, mal au cœur à l'arrière papa mobile. Ah d'accord. Bon. Alors, comment on commence? Bon, bah installez-vous. D'accord, installez-vous. Je prends les clés. Voilà. Alors, il va falloir viser le trou, là. Attendez, je vais vous aider. Attendez. Là. Excusez-moi, je tremblote avec l'âge. Mais arrêtez de bouger! On me tient pas la main, je suis pas de la maison. Je suis pas du bâtiment. Oui, mais il va falloir qu'on y aille un jour, je quoi. Je vais y arriver. Ça, c'est la maison. Ça, c'est la cathédrale. Ça, c'est la Harley Davidson. Voilà. Excusez-moi si je tremble. Je peux démarrer? Bah allez-y, maintenant. Vous voulez pas arrêter de bouger? Comment? Vous voulez pas arrêter de bouger? J'ai pas bougé, un peu. C'est tremblé. Mais il va me bousiller le démarreur. Ça y est, c'est parti. Voilà. Donc on va pouvoir y aller. Vous voulez que l'on fasse quoi? Bah déjà essayer de passer les vitesses, donc ça va pas être évident. Mais pour sans moi, problème. Mon avis. Oh là, c'est... Sans problème. Oh là là. Là aussi, j'ai la tremblotte. Bah oui, je vois ça. Ouais. Allez, mais... Débrayez, pousse. Allez. Voilà, vous voulez que j'aille où? Bah, tout droit. Attendez, non, avec moi, c'est pas parler comme ça. Je vais au nom du Père, À gauche, au nom du Fils, tout droit, ou au nom du Saint-Esprit? Bon, ben prenez au nom du Saint-Esprit à droite. D'accord. Oula, oula, oula, laissez tomber la... Je pense le moteur dans ses limites. Stop. Est-ce que vous avez vu le monde qu'il y a là-bas? Oui, bah oui, c'est la foule qui vient entendre mes prières. Bon, bah écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on va en profiter, on va faire une traversée de foule pour vous habituer. D'accord. Mais allez-y, doucement, concentrez, et vous ne lâchez pas le volant, il y a des gens. Promis, je vais doucement au milieu de la foule. Allez-y. Doucement, voilà. Ne faites pas signe, hein. Va dans la foule. Ah, pardon. Désolé. Qu'est-ce que vous... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est sous la voiture. Ah, vous étiez plusieurs. Désolé. Je crois que je l'aurai pas. Non, là, je peux pas. Là. Bon, je vais donc repartir dans déambulateur mobile. Voilà, c'est plus prudent. Au revoir, monsieur 2. Vous allez à Rome, vous n'êtes pas arrivé. Et j'ai fait que 3 cm. Ne m'attendez pas, mettez la musique si vous voulez. Allez, à bientôt. Hein. Ah merde, j'ai oublié mon stylo. Allez les jeunes, faites comme si j'étais malade et bonne journée. Ubi, Torbi, sont dans un bateau et la suite vous l'attend. Allô, normalement on devrait être en liaison avec Gilbert Montagnier. Gilbert, tu m'entends? Aujourd'hui, yeah. Comment? T'es dans ta voiture? Oui, j'adore le cuir, j'adore tout, c'est beau. Hein. Oui, bonjour. Monsieur Montagnier. Oui, c'est moi. Oula. Vous m'avez bien vu? Oui. D'accord, je suis là. Vous êtes le chanteur? C'est moi. Je suis en showbiz. Mais à la base, vous n'étiez pas... c'était pour passer le permis de conduire, on est bien d'accord? Oui. Vous voulez passer le permis de conduire? Oui. Mais vous n'avez pas un problème de... Bref. Oh yeah, on va s'aimer. Allez, on y va quand tu veux. Hein. Bon, je suis passé après. On y va. Contrôle, vous entrez, ceinture de sécurité, oui. Petit contrôle. D'accord. Ok, rétroviseur. Non, ça passe pas la peine. Oh oui, c'est bon, man. Ceinture, on y va. Ceinture, c'est bon. Bah, on va essayer de démarrer. Hein. Ok. Allez. Non, ça c'est ta bite. D'accord. Voilà. Okay. Là. Ah oui. Pas gagné, hein. Yeah, c'est bon, première étape. Oui. Voilà. On y va. Allez, la première, c'est devant. J'ai une technique, hein. Oui, pour. J'ai le chien. Ah, ça va peut-être nous aider. Voilà, donc d'accord. Le chien, il est derrière la voiture. Et tout le temps, c'est-à-dire qu'il sera tout le temps avec vous, d'accord. Je peux y aller? Bon, allons-y avec le chien alors. Salut, Pépé. Ah, ça marche, hein. Il est accroché au pare-choc. Voilà. Je peux accélérer. On va accélérer un petit peu. Mais alors, pas trop vite, hein, parce qu'au-dessus de 180, le chien, il suit plus. Ah, bah, il court vite, hein, 180, hein. Ah, je l'ai perdu. Je crois que ça y est, on a perdu le chien. Mais vite, faites quelque chose, là. En pleine ligne droite. Ouh, cool, man. Allez, je te fais chanter une chanson, tu tapes avec moi dans les mains. Ouh, on va s'aimer. Sur une étoile ou sur un oreiller. Ah, c'est pas mal, ça. Un jour, il va falloir tourner, hein. Ah, mais d'accord, sans problème. Attends, bouge pas, je me recule. Attention. Et cette voiture part pour en ce moment, là. Stop. On va repartir. Alors mon créneau, t'en penses quoi? Hein bon, j'ai une autre technique, je te montre. Alors. C'est la technique pour savoir si je suis pas trop près du bord. Ah bon. Bouge pas. Moi je dis plus rien. J'ouvre la fenêtre, bouge pas. Contrôle. Ah, avec la canne. C'est bon. Oui, c'est original. Pas mal, non? C'est original. Alors je l'ai. Je suis là. Comment? De l'autre côté. Je suis là. Oh yeah man. Je vous laisse la voiture, je vous laisse tout. Vous imaginez, ça pourrait donner ça. Oui, non, j'imagine pas. Non. Dire que Gilbert nous dit toujours lui-même qu'à chaque fois. Gilbert, c'est le number one pour ça. Hein. Ouais. À chaque fois qu'il arrive, on n'ose jamais. À chaque fois qu'il arrive, beaucoup d'humour, hein. Ah, tu m'avais pas vu, je suis là-bas. J'adore la mur. Tu sais. Oui. Ah, j'adore la déco ici. Donc je suis sûr qu'un jour il serait capable de faire ça.